Honoré de Balzac, tiré de la Comédie humaine, La poudre aux yeux, à mon frère Henri de Balzac. J'ai bien connu M. Quinqueton, il y a une trentaine d'années, du temps que j'allais, tout petit, voir mes grands-parents à Vendôme. M. Quinqueton habitait une maison de très simple apparence, rue Rochambeau, et il était juge de paix. Je me souviens particulièrement, dans cette maison, d'immenses placards couvraient une certaine bonne à tout faire, nommée Madame Pacot, pour y prendre des confitures de groseille. Un de ces placards contenait un portrait à l'huile dépourvu de cadre et représentant un homme blond avec une barbiche et un œil aspiré. On disait que c'était le portrait du poète. On ne lui faisait point d'honneur. Le poète était un frère de M. Quinqueton, mort à Paris pendant la Commune, on ne savait trop comment. Peut-être ne tenait-on pas à le savoir. M. Quinqueton avait un fils appelé Prosper, qui mangeait avec moi la confiture et jouait dans un bout de jardin grand comme la main, mais où passait un de ces innombrables petits cours d'eau qui baignent si gracieusement les pieds de Vendôme. Ce ruisseau sortait d'une voûte obscure et grillagée, retenant au passage la paille, le foin et les objets divers. Prosper et moi construisions des bateaux en bois quand on en pouvait, en papier de journal quand on était pressé. Nous les lancions à une extrémité du jardin et allions les recueillir à l'autre, mais en nous querellant dans le trajet, parce que je l'effectuais en courant, au plus court, tandis que Prosper, qui prétendait s'embarquer pour des contrées lointaines, perdait un temps précieux à expédier des télégrammes, à se procurer des sommes folles au guichet d'une banque imaginaire, à faire enregistrer de fantastiques cargaisons. Et il s'arrêtait au premier poirier, qui représentait pour lui la mer Rouge, et tombait, exténué, sur un banc rustique qui n'était ni plus ni moins que la station au nom splendide de Seringapatam. Vous pensez bien que j'étais arrivé depuis longtemps et que j'avais déchargé mes vaisseaux quand Prosper en était encore à faire des embarras à Seringapatam. « Qu'est-ce que c'est, Seringapatam ?» demandai-je à Prosper. « Es-tu sûr au moins que ça soit sur un fleuve navigable ?»« Seringapatam !» s'écriait-il en se gonflant tout entier. Et la façon dont il magnifiait ce mot impliquait réponse à tout. Monsieur Quinqueton sortait au bruit de nos disputes. C'était un homme veuf, très confiant et très bon. Il ne voulait nous contrarier ni l'un ni l'autre, et cherchait un terrain d'entente avec l'expérience que pouvait lui fournir sa fonction de juge. Il était d'une grande impartialité, ce qui agaçait également les deux plaideurs, dont l'un voulait surtout que l'autre eût tort. « Voyons, monsieur Quinqueton, qu'est-ce qui est arrivé le premier ?»« C'est vous, Francis. »« Mais papa, répliquait Prosper, c'est idiot !» Il court sur ses deux jambes, il saute par-dessus le banc, et il est arrivé. Qu'est-ce qui t'empêche d'en faire autant? Eh bien, alors, si on peut plus s'amuser... Mon enfant, me disait M. Quinqueton, vous n'avez donc pas de plaisir à naviguer sur les océans, à pénétrer dans les Indes? Mais, sacristie, monsieur, il n'y a pas d'océan ni d'Inde, puisqu'il n'y a qu'un poirier et un banc. Il n'y a pas d'océan ni d'Inde, s'écriait Prosper. Mais, bon pauvre vieux, regarde donc comme je suis fatigué. En effet, il suait à grosses gouttes, à force d'avoir piétiné. M. Quinqueton appelait Mme Pacot, afin qu'elle épongeât le front du voyageur. Et Mme Pacot, la serviette à la main, disait avec admiration « Parlez-moi d'un enfant aussi intrépide !» M. Quinqueton venait quelquefois dîner chez mes grands-parents. On le taquinait parce qu'il n'entendait pas malice et parce qu'il faisait volontiers étalage de ses propriétés du saumurois. Monsieur Potu, notamment, l'ami commun, qui avait la prétention qu'on ne lui en fit point à croire, empêtrait souvent Monsieur Quinqueton en le pressant de dire, avec exactitude, en quoi consistaient ses propriétés du saumurois. Il en tirait prétexte à faire enrager Prosper lors de notre prochaine partie de transport maritime. « Tu te donnes un mal insensé pour aller jusqu'à Seringapatam, disais-je. Pourquoi ne t'arrêtes-tu pas seulement dans les propriétés du saumurois? Pourquoi je ne m'arrête pas dans mes propriétés du saumurois? Oui, c'est parce que tu n'en as pas. » Cependant, M. Quinqueton allait bel et bien une ou deux fois l'an dans le saumurois, le plus clair de ses revenus, et plaçait à Vendôme même un vin blanc réputé nectar. Peut-être était-il capable d'exagérer l'importance des propriétés, mais c'était pour donner plus de valeur à son cru. « Alors, disais-je à Prosper, tu y as été, toi, dans les propriétés du sommet roi ?»« Si j'y ai été !»« Fais voir combien c'est grand !» Nous étions sur une promenade publique que l'on nomme à Vendôme la montagne, parce qu'elle est située sur une éminence d'où l'on domine agréablement la ville et les environs. Prosper embrassait l'horizon du regard et faisait la girouette avec son bras tendu. « C'est plus grand que tout ça !»« Oh, mais tu es archi-millionnaire !»« Pourquoi ?»« Parce que ton père dit que c'est tout vigne. Ça doit rapporter. »« Papa en a, lui, 3 carrés grands comme le toit de la sous-préfecture. » Il en tire un bon normal an, 2000 francs. Calcule. Et puis écoute-moi, mon vieux, ce que tu me dis là, ça n'est pas possible, parce que la vigne, c'est sur les coteaux, c'est penché. Il peut y en avoir long, mais il n'y en a jamais si large que ça. Oh, avec toi, il faut toujours voir les choses telles qu'elles sont. Tu es assommant. Grand 2. Plus tard, lorsque le goût de jouer et de nous quereller fut passé, et lorsque nous étions, Prosper et moi, de petits monsieur pleins de suffisance, en tenue de collégien, je me rappelle avoir vu un pauvre monsieur Quinqueton tout en feu. Il était des premiers à faire renouveler par des cépages américains ses vignobles atteints de phylloxéra. Les deux mots « cépage américain » retentissaient au dîner comme autrefois les propriétés du Saumurois. M. Potu se moquait beaucoup de M. Quinqueton, à cause de sa confiance aveugle en ses racines étrangères, dont les journaux disaient merveille, mais qui n'avaient en somme jamais encore porté de fruits sur notre sol. M. Quinqueton poussait le zèle jusqu'à dévaster lui-même ses vieux plants de vignes inattaqués, sous le prétexte qu'il ne saurait manquer d'être phylloxéré l'an prochain, et que mieux valait faire dès aujourd'hui peau neuve. Le fait donna raison à l'initiative de M. Quinqueton, puisque ses compatriotes durent l'imiter peu à peu. Mais il reste à savoir si M. Quinqueton se lança dans cette entreprise avec la hardiesse du sage, c'est-à-dire muni d'informations contrôlées, appuyées sur des formules, ou bien avec la témérité d'un homme épris de ressources paradoxales et crédule ou panacé. Comme la plupart des vignerons qui le suivirent, à prudente distance, il est vrai, n'eurent qu'à s'en louer. M. Quinqueton jouit à Vendôme du prestige de l'initiateur heureux, sans que l'on sût d'ailleurs nettement ce qui était résulté des opérations pratiquées dans ses propriétés du Saumurois. À cette époque-là, M. Quinqueton me demandait, comme on fait au potage, « Eh bien, jeune homme, à quoi nous décidons-nous » Et il me regardait entre les deux yeux, de l'air d'un profond penseur. Je n'avais pas eu le temps de répondre qu'il disait Prosper, lui, oh oh oh. Ah ah, et qu'est-ce qu'il veut faire, Prosper? Je n'en suis pas embarrassé, c'est un garçon qui fera son chemin. Je répétais à Prosper, dis donc, ton père prétend que tu feras ton chemin? Eh bien, quel chemin? Oh oui, toi, il faut toujours mettre les points sur les i, mais d'abord le chemin qu'il me paiera. Tu as de la chance, je suis fils unique, n'est-ce pas? Ça c'est exact, et ton père ne mendie pas son pain. Et je compte me la couler douce. Est-ce que tu resteras à Vendôme? Cette farce, tu m'as pas regardé. Et où est-ce que tu iras? Mais à Paris, mon bibi. Oh là là, tu retardes. Veux-tu l'heure? L'exhibition était-elle préméditée? Il tirait de son gousset un chronomètre. Mincette, tu as une montre en or, avant ton bachot. Moi, papa est un amour. Grand 3. J'avais perdu de vue, depuis bien des années, M. Quinqueton et son fils, par suite de la mort de mes grands-parents, qui nous éloigna de Vendôme, et j'avais oublié, je l'avoue, et mon ami Prosper, et son amour de papa, lorsque l'un de ces hasards que l'on s'obstine à dire extraordinaires, et qui sont ce qu'il y a de plus commun dans la vie, vint me rappeler les propriétés du Saumurois. Je venais de me marier, et présenter ma femme à de vieux amis que nous avons à Chinon. Chinon est le plus joli pavillon du jardin de la France. Quand on y va, on y voudrait vivre. Et ces petites rues où Jeanne d'Arc a passé et corde encore des pignons et des fenêtres en ogive, par où, un jour, des yeux ont vu monter au château le cortège qui ouvrait la plus pure des épopées, ces petites rues vous donnent le goût des vieilles demeures charmantes et paisibles, dont la pierre effritée ou le bois vermoulu inspire la nostalgie enivrante des temps écoulés. Bon sens, simplicité et belle humeur, c'est ce que nous chantent toutes ces chères vieilleries françaises. Elles dissocient la soumission au réalisme de la vie, le fin sourire au billevesé, charmante genre, aux veines de qui coule le sang du très avisé Rabelais, figures éclaircies par l'incomparable vin, palais flatté par la saveur du pain de seigle et du fromage de chèvre, et dont la voûte retentit des plus gentilles et des plus réjouissantes expressions de la plus belle langue du monde. Et vous, enfin, bonne vieille au bonnet tourangeau, que nous avons vue dans une pièce obscure d'une maison penchée sur le côté, dans la rue Saint-Maurice, et qui battiez des mains avec un petit enfant en chantant « Pan, pan, pan, je vous mets vos gants, pan, pan, pan, quelqu'un vous attend, pan, pan, pan, rue du Puy des Bancs. » Oui, c'est vous, grand-mère, et petit enfant de Chinon, plaisante image, se présentant à la suite de quelques séductions confuses, qui nous avait arraché le cri « Restons dans ce pays ». Une demi-heure après, nous montions en voiture, suivions la route qui longe la Vienne jusqu'à son confluent avec la Loire, à Montsoreau, et nous arrêtions là, sur la pente du coteau, autour des ailes de moulin à vent, non loin des ruines du château célèbre, en face d'un fleuve de sable et d'eau languide, pour visiter une maison du temps d'Henri IV, la Gloriette, à vendre ou à louer, avec clos et cellier. La maison nous ravit. Le prix qu'on en demandait était modeste. Nous revînmes le lendemain à Montsoreau pour voir Maître Camus, le notaire. Il nous énuméra les joignants, au nord, Bayavoine, Jean-Nicolas, à l'est, Arnaud, Adolphe, dit le Boitou, au sud et à l'ouest, Quinqueton, Pierre Prosper. Quinqueton, Pierre Prosper ? Oui, monsieur. N'est-ce pas monsieur Quinqueton de Vendôme ? Lui-même, le juge de paix. C'est bien cela. Ah, par exemple, c'est comique, ce bon monsieur Quinqueton, et moi qui ne pensais pas à lui. Mais en effet, nous sommes en plein sur miroir. Et comment va-t-il ? Le notaire pinça les lèvres pour comprimer un sourire à ma question familière. Monsieur, dit-il, je ne saurais vous dire. Ah, pardon, vous n'êtes peut-être pas le notaire de monsieur Quinqueton. Si fait, mais monsieur Quinqueton ne m'entretient pas de sa santé. Et il ne vient donc pas ici ? Le notaire se tourna vers son maître clerc. Depuis combien d'années le sieur Quinqueton n'a-t-il pas comparu ? Le clerc roula son porte-plume entre les paumes de ses mains, leva les yeux au loin, il compulsait les dossiers dans sa mémoire. Quinqueton, fit-il. Quinqueton, attendez. Quinqueton, Pierre Prosper, Balureau, Jacques, dit Cudane, prêt sur hypothèque. 88-89. 89, c'est l'année d'exposition. Je le vois encore ici. Ça fait 7 ans. Il n'est pas venu ici depuis 7 ans. Exactement. Mais autrefois, ne venait-il pas plus souvent ? 2 fois par an, ponctuellement. C'est curieux. Et depuis ce prêt, cet emprunt, le prêteur est Balureau, Jacques, dit Cudane. Ah, fit surpris et inquiet tout à coup. Le prêteur est Balureau, dit Cudane. Je vous demande pardon, Maître Camus. J'ai beaucoup connu, monsieur Quinqueton, vous comprenez. Passons-nous servitude de l'immeuble, dit la Gloriette. Mais certainement, Maître Camus. Quatrième partie. Ce léger mystère touchant M. Quinqueton troubla ma joie de l'acquisition de la Gloriette. Je m'informai de lui dans le pays. Beaucoup de cultivateurs l'avaient vu autrefois. Un bien bon et bien excellent homme, monsieur. Il a ici un beau domaine. Eh, pardi, c'est selon. Mais le vin de votre coteau est renommé. Il le vend cher. Cher, c'est comme on l'entend. Les années sont traîtres. Et son fils à M. Quinqueton, il doit être dégourdi à cette heure. C'était à moi de répondre. J'interrogeais un autre. Monsieur Quinqueton, un homme qui avait le cœur sur la main, de l'amour propre, par exemple. Il a du mien ? Il en a. Mais il paraît qu'il n'aimait plus les pieds. Ça, c'est la pure vérité. Comment t'expliquez-vous? Expliquez, mon cher monsieur, expliquez. J'avons seulement pas été 2 ans à l'école. À un autre. Monsieur Quinqueton, oh, fallait le voir du temps du phylloxéra. Il aurait retourné le pays comme une descente de lit. En a-t-il arraché? En a-t-il planté? Et des bâtiments, et des pressoirs, en veux-tu, en voilà. Sous prétexte que l'Américain allait décupler la récolte. Et le résultat de l'Américain était trompeur. Il a été trompeur. Et il ne l'a pas été. Mais dans le cas de M. Quinqueton. Eh, pardi, le cas de M. Quinqueton est pareil aux autres, allez. Le pays n'est pas endetté. Endetté? C'était donc qu'il l'est endetté, M. Quinqueton, que vous voulez dire? Ce n'est pas moi qui le prétends. C'est dérendu, rapport à ce qu'il se cache. On ne le voit plus, il était pharo. Y a-t-il longtemps que vous avez vu son garçon? Oh, son garçon. Quand il parlait de lui, on voyait l'eau qui lui montait à la vue. Il vous regardait au travers d'une ondée, parole d'honneur. Tenez, quand il disait comme ça, c'est le meilleur sujet du lycée de Vendôme, il n'y a pas à dire non, la voix lui gargouillait dans le gosier. Dites-moi, les affaires de M. Quinqueton sont mauvaises? Oh, c'est selon. On m'a dit que son bien était hypothéqué. Oh, alors si on vous l'a dit, vous en savez autant que ceux-là qui vous l'ont dit. Et moi donc, à cette heure, voilà j'en sais aussi long que vous. Je fus pris du remords de n'avoir pas conservé de relation avec ce pauvre M. Quinqueton. Lui avais-je seulement fait part de mon mariage. Aussitôt mon retour à Paris, j'envoyai une lettre de faire part au juge de paix, sans lui annoncer, bien entendu, mon achat de la Gloriette, ce qui eût été l'aveu que je connaissais ses déboires. Je reçus de M. Quinqueton sa carte accompagnée d'un énigmatique assemblage de mots dont l'un était pour le moins étrange. Sous le nom de M. Quinqueton et sa fonction juge de paix, une main ferme avait écrit « Heureux et fier de tout ce qui peut rappeler Tristan de Mélisande, adresse ses compliments au jeune couple. » Je me livrai à des supputations afin d'établir approximativement l'âge que pouvait avoir atteint M. Quinqueton. Tous mes calculs aboutissaient à lui donner la 60aine. Il fallait écarter l'hypothèse de la sénilité. Mais M. Quinqueton serait-il devenu fou à la suite de la mévente des vins succédant aux frais considérables de la réfection des vignobles? Cependant, sa carte portait juge de paix. Et d'ailleurs, un notaire aussi méticuleux que Maître Camus ne m'eût point dit juge de paix si M. Quinqueton eût été révoqué ou démissionnaire. Tristan de Mélisande. En quoi, juste Dieu, pouvais-je bien avoir rappelé un Tristan de Mélisande à ce bon M. Quinqueton? Jamais ces syllabes euphoriques et manifestement étrangères à tout état civil n'avaient frappé mes oreilles. Qui était Tristan de Mélisande? Quel rapport pouvais-je bien posséder avec Tristan de Mélisande? Enfin, en vertu de quel sortilège, ma lettre de faire part était-elle douée du pouvoir d'évoquer un Tristan de Mélisande? Je demandai à ma femme si elle n'avait point dans sa famille quelque Tristan de Mélisande. Elle n'en avait point, mais elle eut une inspiration. « C'est un nom de toquet, dit-elle. Pour moi, le fils de votre Quinqueton doit faire de la littérature. »« Bravo, ça y est !» Tristan de Mélisande, enveloppe d'arabesques gracieuses, l'humble réalité de Prosper Quinqueton. Ce mélodieux pseudonyme et un métier d'imagination sont la conséquence logique des embarquements pour le banc de bois qui était la cité asiatique de Seringapatam. Cependant, je reçus une lettre qui était, elle, la conséquence logique de l'acte de politesse accompli par moi envers M. Quinqueton et qui laissa en suspens notre dernière hypothèse. Elle était signée tout bonnement Prosper Quinqueton et ne faisait allusion à rien moins qu'à Tristan Mélisande. Prosper m'appelait mon vieux Francis, me complimentait de l'heureux événement que son papa venait de lui apprendre, puis s'égayait au souvenir de jeunes années et m'appelait sa vieille branche, puis m'entretenait d'une large entreprise de vulgarisation qu'il avait faite récemment et qui lui avait coûté les yeux de la tête, puis s'assombrissait et confessait qu'il avait quelques petits trous à combler par-ci par-là, puis entonnait un hymne en l'honneur de l'esprit positif et ordonné, qu'il m'avait toujours connu et qui ne saurait manquer de me valoir une brillante situation, puis me prier de lui envoyer 100 francs. En post-scriptum, motus à papa. Mon Dieu, il y a bien 1000 manières plus délicates de répondre à ma lettre de faire part, mais précisément, Pour que Prosper les eût toutes négligées et eût choisi celle-ci, il fallait qu'il y fût contraint par la nécessité. Ma femme, qui s'intéressait à son voisin de campagne, fut touchée. Peut-être aussi tenait-elle à éclaircir l'énigme du Tristan de Mélisande. Nous délibérâmes. Enverrai-je le secours demandé ou irai-je moi-même à l'adresse indiquée par Prosper, 53 rue Hégésippe Moreau? Voyons, Prosper devait avoir passé 35 ans. Garçon, Paris, embarras d'argent prolongé, sans doute, depuis le premier emprunt de son père. Affaire Quinqueton, Pierre Prosper, dit Balureau, Jacques, dit Cudane. J'allais tomber dans un faux ménage sous les toits, avec enfant, c'était probable. Peut-être Prosper préférait-il que je ne connusse pas de si près sa misère. Lui-même, sachant mon adresse à Paris, n'était pas venu. Honteux sans doute d'être mis comme un pauvre. Allez toujours jusque chez le concierge, me dit ma femme. C'est juste. Ah, et puis, qu'est-ce qui vous empêche de demander? Vous n'auriez pas ici par hasard un monsieur Tristan de... Parfait. Entendu. Je cours rue Hégésippe Moreau. Le 53 est une maison de bon aspect. Une forte odeur d'ail se dégage de la loge. Mais il y a un essuie-pied à l'entrée, un tapis à l'escalier. Je préparais mon... Vous n'auriez pas ici par hasard un monsieur Tristan de... Mais un instinct de convenance, plus profond que de volonté, guide nos paroles, et je dis, en poussant la porte de la loge, « Monsieur Prosper Quinqueton, s'il vous plaît. » Une voix du midi, joyeuse, résonna. « Hé, à l'entresol, donc que ?»« À l'entresol. » »« Ah, très bien. Mais dites-moi, madame, croyez-vous que je puisse le déranger ?»« Et pourquoi donc que ?»« C'est que je ne connais pas ses habitudes. Est-ce qu'il est seul ?» Mais oui. Croyant une occasion de causer, la concierge avait quitté son fourneau aux vapeurs odorantes et sa face réjouie s'offrait à mon service. Je crus devoir en profiter pour être agréable à ma femme. Et monsieur Tristan de Mélisande? La face de la concierge s'arrondit comme une lune. Dans cette lune, une autre s'ouvrit. Je vis toutes les dents et la langue jusqu'à la luette. Et il sortit de là, comme un jet d'air comprimé. C'est le même! Je fis l'étonner. La concierge riait de tout son cœur. Quand elle put articuler à nouveau, elle dit « C'est des fantaisies !» Je pressai, entre sol, un petit masque japonais qui mettait en branle une sonnerie électrique. Un pas d'homme se fit entendre. Mon cœur palpitait un peu, je l'avoue, à l'idée de retrouver tout à coup mon camarade Prosper, que je n'avais pas vu depuis quelque 20 ans. À la vérité, j'avais aussi une crainte que venait de m'inspirer la maison d'aspect confortable, le tapis, le bouton électrique, l'entresol, au lieu de la mansarde. La crainte de rencontrer en la personne de Prosper un intrigant ayant tenté de me refaire, circonstance désobligeante. Je vis un homme que je reconnus aussitôt. Non qu'il me rappela le jeune Prosper, mais bien le juge de paix Quinqueton. Il était grand comme son papa, et d'aspect doux et débonnaire. Il avait deux ou trois fils blancs dans la moustache, la figure longue, mais agréable. Il était décoré des palmes académiques. Je dus me nommer, car il ne me reconnaissait pas. Alors il s'écria, me prit les mains, fut réellement ému, presque aux larmes. Il m'appelait « Mon pauvre Francis, ah, mon pauvre, sacré bougre !» Il me scrutait le poil et l'habit. « Ah, mon pauvre ami, mais c'est que tu n'as pas changé, non ?» Cependant, tu ne me reconnaissais pas. Depuis le temps. Comment va ton père? Papa? Très bien. Ah, dame, il se décrépit un peu. On n'est plus de la classe. Et toi? Eh bien, moi, voyons, lui dis-je, tu as donc perdu ta position? Il eut la physionomie d'un aveugle à qui l'on parle de la lumière. Je compris qu'il n'avait jamais eu de position. Voilà, dit-il, mon père m'a toujours fait une petite pension, même très convenable. Je reconnais que j'ai été des privilégiés du sort. Il m'a dit, en m'envoyant à Paris, j'ai confiance en toi, travaille, tu arriveras. Je ne veux pas t'influencer, suis tes goûts. Écoute-moi bien, je sais ce que c'est que la vie. Un garçon ne réussit pas du jour au lendemain. Je te donne 6 ans, 7 ans, 10 ans maximum, parce que, Dieu merci, je ne suis pas encore sur la paille et puis t'aider. Mais il ne faut pas compter sur la fortune. Va, débrouille-toi, en attendant, avec 300 francs par mois. Maintenant, mon garçon, je vais te confier une chose. Le jour où tu viendras dire à ton bonhomme de père, « Papa, je gagne ma vie, mettez vos 300 francs de côté, eh bien, ce jour-là, je serai content de toi. Et qu'as-tu fait une fois à Paris ? Mon cher, le temps passe avec une rapidité vertigineuse. On a à peine le loisir de prendre la résolution de travailler. Tu ne crois pas si bien dire. J'allais tous les mois à Vendôme. Dans le train, en partant de Paris, je me suis quelquefois demandé « Ah ça, qu'est-ce que j'ai fait depuis mon dernier voyage ?»« Ce que j'avais fait, mon vieux, tu me croiras si tu veux. » En voilà le détail. Aller-retour Vendôme égale 3 jours, au bas mot. Et à la condition encore qu'il n'y eut pas une petite occasion de rester là-bas pour un dîner, pour un mariage, pour une sauterie chez les Potus, ou simplement pour faire plaisir à mon pauvre papa. Retour à Paris. La journée passée avec les camarades, qu'on a lâchés depuis 3, 4 ou 5 jours, c'est bien le moins. Le soir, petite noce inévitable si l'on veut se conserver quelques relations amicales. Lendemain, grasse matinée, ça va sans dire. Puis, réflexion sur ce que l'on fera. Bonne résolution. J'écrirai demain à un tel et à un tel, pour cela voir tel autre et puis tel autre auparavant, afin de savoir par quel bout prendre un tel et un tel. Coup, 2, 3, 4 journées. Puis, attendu rendez-vous d'un tel et d'un tel, vu diverses personnes affluentes, par hasard, dans l'intervalle. La guigne. Rendez-vous tombé, même jour, même heure. L'un de raté, c'était le bon, et ainsi de suite. Ajoute de nombreux amis, parce que 300 francs par mois constituent une petite fortune, par rapport à la quantité de citoyens qu'ils sont dans la purée. Ajoute cafés obligatoires, balade du dimanche, petits services rendus, etc., qui m'oblige à retourner à Vendôme, toucher ma pension, en fraudant de 48 heures. Et voilà. Les mois s'écoulent. Et les années. Un ouragan qui passe. Tout de même, tu t'aiguillais bien, je suppose, vers une direction déterminée. Mon cher, il y a une carrière qui mène à tout. Autrefois, on disait que c'était le droit. Aujourd'hui, c'est le journalisme. Tristan de Mélisande. Tu as vu mon pseudonyme ? Tu m'obligerais, si tu l'as vu, en me disant dans quel endroit. Oh, ce n'est pas pour moi, c'est pour mon père. Quand un journal part de moi, je le lui envoie avec le passage souligné au crayon bleu. Il est si heureux. Ne ris pas, c'est une douce manie à lui. Mon nom imprimé le flatte, il fait circuler la remarque chez ses amis, au cercle. Ah, c'est à Vendôme que je suis célèbre. Mais au fait, qui t'a dit que Tristan, c'est ton père, un mot sur une carte. Tu vois, il ne peut pas se tenir d'apprendre à tout le monde que son fils a un nom dans la presse. Je m'aperçois que c'est par sa carte seulement que tu connais mon pseudonyme. Je lis si peu. Ah, mon pauvre vieux, qu'on a du mal à se répandre. Ils sont là, un tas de bons et de sinistres farceurs qui tiennent tout. C'est le canon qu'il faudrait pour les déloger. Et qu'est-ce qu'a publié ce Tristan de Mélisande ? Publié ? Te voilà bien. Mais publier, te dis-je, est impossible. Publier est un monopole. Ils m'amusent avec leur publier. Publier, c'est d'avoir un journal, un éditeur. Si j'avais publié, mon cher, je serais célèbre. J'ai là, dans la caboche, la matière à faire péter votre civilisation. Je dirige un bout de revue. Tiens, si tu veux que j'inscrive ton nom comme membre fondateur en première page, publier. Non, mon vieux, tant qu'un monsieur qui détient la place de chroniqueur dans un des 3 premiers journaux du matin n'est pas crevé et qu'on ne s'est pas assis dans son fauteuil en jouant des points, mais encore faut-il avoir manifesté quelque part une certaine compétence. Tu retarderas toujours, toi. Du toupé, entends-tu ? Du toupé et encore du toupé, a dit Danton, si je ne me trompe. En voilà un lascar qui connaissait les mœurs de la République. J'ajouterai des relations, ce qui facilite la montée à l'assaut. Tu t'es fait des relations ? Je connais tout le monde. Tiens, ce pauvre père Quinqueton, il était tout baba. Il est venu ici, il faut le dire, pendant l'exposition. Le nombre de personnes auxquelles je l'ai présenté, fabuleux. Des directeurs de journaux, des hommes politiques, un ministre et des cabots, et des actrices de la Comédie française. Des gens du monde, même. Il en était fourbu, rendu, vanné. Il me disait, Prosper, je n'aurais pas cru ça, je te l'avoue. J'ai passé ma vie à Vendôme au milieu de gens distingués, mais je n'avais pas compté que je serrerais la main à tant d'illustrations. Je l'avais fait habiller, coiffer, chausser, ganter dans une maison pseudo-anglaise qui me fait un petit temps pour cent. Il était superbe, tous les soirs au théâtre, à l'œil, comme de juste, et aux répétitions générales, et des coups de chapeau, et des clins d'œil, et des poignées de main. Qui est-ce ? C'est un tel. Tu le connais ? Comme ma poche. un émerveillement, un rêve. Le bouquet, au 14 juillet, pendant qu'il était là, j'ai eu les palmes. Le couronnement d'une carrière, pour beaucoup. Alors, devant cela, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent, papa ? Pauvre papa. Non, point pauvre papa. Il a chanté au contraire, comme le vieillard Siméon, son nunc dimilitis. Et s'en est allé à Vendôme, où il repasse en sa mémoire ses brillants jours de fête. Prosper, je te sais gré de ta franchise, mais enfin, si tu me permettras bien, à défaut de reproche, de te dire que tu es resté le petit garçon avec qui j'ai joué, tu te montais la tête, tu l'as monté à ton père, à Madame Paco, non, tu croyais aller aux Indes, tu faisais presque croire que tu y étais allé. Tout est illusion. Non, pas ton état présent. Mon état présent ? Mais ne va pas t'imaginer. Mon cher, je suis tout simplement à la veille d'obtenir la plus belle situation. Il va se créer à Paris. Ah, ce n'est pas créé. Toi aussi, tu es bien resté le même. Eh bien non, ce n'est pas créé. Mais il n'y a pas que ce qui est créé qui mérite considération. Il y a ce qui sera créé demain. Toutes les grandes entreprises sont fondées sur la confiance en l'état de choses qui n'est pas, mais qui sera par le fait même qu'on se met en branle. Donc, il va se créer à Paris un journal destiné à amener une véritable révolution dans la presse. Un journal, passons, soit, mais tu admettras que le temps aidant, le pouvoir, l'autorité, bref, l'assiette au beurre change de main. Une génération chasse l'autre, ou plus pacifiquement, la remplace. Ce journal est fondé par des hommes de mon âge, des camarades, des amis. Nous avons intéressé à la chose des capitalistes connus, sûrs, en dehors des bandes interlopes. Ce sont des banquiers, des industriels, des agriculteurs même, que pour la plupart, et entre parenthèses, nous tutoyons. Et à ce propos, puisque te voilà, tu me permettras de te donner une preuve d'amitié en te laissant cette petite feuille où tu verras les avantages réservés aux souscripteurs. Je te remercie, Prosper. Nous n'acceptons pas le premier venu. Eh bien, mon ami, dans cette grande, immense affaire, ma place est assurée, taillée à ma mesure. Et tu m'entends bien, je me considère comme y étant déjà assis, et les pieds dans ma chancelière. Sinon, les coups de guichet de la caisse. Tu es dur. Évidemment, je ne suis pas à passer à la caisse. Et c'est ce qui te prouve le sérieux de l'affaire. Il ne s'agit pas pour ces messieurs de nourrir la basse pègre du journalisme et de se laisser assiéger par tous les claques-dents de la littérature. La tenue sous laquelle se présente l'entreprise nous oblige, soit ce qu'on soit, à une certaine décence, dans la manière de manifester nos appétits. Je n'ai pas pu frapper à cette porte avant d'en avoir acquis régulièrement tous les droits, sans quoi je n'aurais pas pris la liberté de solliciter de ta vieille amitié la petite avance. N'en parlons pas. Si, si, je te dois même des explications. Je te dirai qu'il m'est interdit de m'adresser à mon père. Écoute-moi, c'est une petite histoire. Papa m'avait donc donné 10 ans maximum pour me débrouiller à Paris. Ce n'est pas lui qui m'aurait jamais fait observer que la dizaine était écoulée. Mais tout de même, il est propriétaire, il a de l'or dans ses affaires, et je me disais, il y pense, et il sera content le jour où je lui confierai, je gagne ma vie. Alors voilà, un jour que nous nous promenions, bras dessous, à Vendôme, c'était après l'exposition, mon pauvre papa était si glorieux d'exhiber à la ville et à la banlieue mon ruban violet. Il avait recueilli tant de compliments. Comme nous passions sous la porte de Saint-Georges, que tu connais, une des curiosités de la ville, je ne sais quelle mouche m'a piqué. Spontanément, sans la moindre préméditation, je me dis tout à coup, il faut que je fasse un grand plaisir à papa. Instantanément, je lui presse le bras, je me penche à son oreille et je lui susurre la phrase que j'avais sur la langue depuis 10 ans. « Papa, je gagne ma vie, etc. » Mon cher, il n'a pas soufflé mot, tant ça l'a estomaqué. Mais après 4 pas, voilà qu'il se retourne vers la porte monumentale et il prononce avec un brin d'emphase qui sent son cru « Cette porte, mon fils, sera notre arc de triomphe. » Le coup avait porté. Puis il m'a dit plus simplement... Une minute après, en me serrant la main, « Tu es un honnête garçon. » Eh bien, tu le croiras, si tu veux, je n'ai pas regretté mon mouvement. En effet, tu es un honnête garçon. Et depuis lors, comment vis-tu ? D'expédients de toutes sortes. J'ai toujours eu une belle écriture. Je passe une partie de la nuit en copie, j'étais typographe. J'étais contrôleur au théâtre des Batignolles. J'ai eu un petit emploi aux Pompes Funèbres. Mon ruban m'est avantageux. Tu as dû perdre bien des amis. Je m'en suis fait d'autres. Il y a une certaine commisération chez les gens de lettres pour les pauvres bougres. Mais des amis influents. Toutes les fois que j'ai obtenu un semblant de secours de place, c'est t'as de presque aussi gueux que moi que je l'ai dû. Suis-je indiscret, Prosper? Tu me parais garder un lourd loyer. Si mon père venait à Paris et qu'il soit témoin de ma déchéance, non, non. J'aime mieux m'imposer des sacrifices et sauvegarder les apparences. Il part sans cesse de revenir ici. Il reviendra. Je ne sais ce qu'il retient. Mon petit entresol est un de ces leitmotifs qu'il emploie volontiers. Tu te souviens. Il le connaît, il se l'en présente. Et qui as-tu reçu là, dans ce fauteuil Voltaire? Parle, mon garçon. Je dois citer un nom, j'en cite un ou deux ou davantage. Tu continues à aller à Vendôme, comme par le passé. C'est mon bonheur et c'est mon supplice. Lorsque j'ai eu un emploi, la difficulté était de m'absenter. Et j'en ai perdu plusieurs pour avoir manqué du courage de me priver de Vendôme. Vendôme est cause que je meurs de faim. Mais Vendôme me donne à manger quand j'y vais. Y demeurer toutefois m'est interdit, sous peine de culbuter le château de cartes où ma réputation est assise. Te l'avouerai-je, tu vas te moquer de moi, mais tant pis. J'ai du plaisir là-bas à vivre au milieu du songe que Vendôme se fait de moi-même. Là, je comprends, jusque pour l'homme sans mérite, la bonne odeur de l'encens, et quelque chose de mes intimes convoitises en est satisfait. Tu peux être odieux, ce que je t'avoue là, au ridicule. Mais j'en en suis pas à ça près. Et qui voit-on encore, Vendôme? Les potus, toujours. Ils ont marié leur fille. Ils ont marié leur fille aînée, la belle. Autant que je m'en souvienne, le père Potu n'était pas un bonhomme à s'en laisser compter. Et ils sont pour moi pleins de sympathie, je t'assure. La seconde fille est fort intelligente. Et dans les propriétés du Saumurois, y vas-tu? Mon père, depuis longtemps, semble s'en désintéresser. Prosper, il est temps que je te quitte, puisque tu as été si sincère avec moi. Dis-moi, mais là, sans ménagement, puis-je m'employer à chercher aux embarras de ta situation une solution pratique? Que tu es drôle, mais mes embarras sont tout momentanés. La solution pratique, elle est toute trouvée. C'est celle dont j'ai eu l'honneur de t'entretenir. Avant 3 mois, le journal tirera à 100 000 exemplaires, et tu seras remboursé du prêt que j'ai sollicité de ta complaisance. Que dis-je? Rembourser au centuple. Si tu veux bien abandonner un instant tes instincts de misonérisme et de provincialisme assez arriérés et profiter de l'avantage tout amical que je t'offre de couvrir la première émission. Merci, encore une fois, Prosper. Je ne manquerai pas d'y songer, mais dis-moi, ton père n'est pas engagé dans l'affaire du journal. Papa est un terrien, il ne croit qu'à la vigne et au blé. Mais je ne désespère pas de le convertir à l'évidence. Ah, il est clair que si j'apportais des capitaux, ou seulement portion des capitaux de mon père, que si je t'amenais toi avec la part que tu es libre de tailler dans le gâteau, ma situation journale serait étayée d'autant. Eh bien, adieu, Prosper. Adieu, mon vieux, et merci en attendant. Cinquième partie. Prosper fut invité à venir à la maison tout à son aise et sans cérémonie. Il ne vint jamais. Il m'écrivit qu'une affaire de la plus haute importance l'appelait précisément à Vendôme. Une autre fois, c'est un emploi qu'il enchaînait. En compensation, il m'envoyait la revue qu'il dirigeait sous les auspices du plus haut patronage. Des dons pompeux s'étalaient en effet sur la couverture, sinon sommaire. Et Prosper me faisait part, obligeamment, d'une innovation qu'il venait d'introduire. C'était d'adjoindre aux membres fondateurs une série de membres bienfaiteurs qui, moyennant un versement de 100 francs, auraient droit à avoir leur nom inscrit en première page. Ce fut tout ce que je sus de la famille Quinqueton, avant de retourner, moi aussi, dans mes propriétés du Saumurois. La Gloriette se trouva aménagée au mois d'août, non pas d'une manière très confortable, car c'était une bien vieille bicoque, mais de manière à jouir paisiblement d'un air pur et d'une vue large et simple sur le propre caractère du pays. Les pièces étaient carrelées en briques. Les cheminées étaient de taille à rôtir un veau à la broche. Les solives apparentes et grossières. Le plafond si élevé que des toiles d'araignée résistaient aux têtes de loup les mieux emmanchées. Mais nous avions de grandes fenêtres à meneaux avec des sculptures naïves et des nids d'hirondelles, des lucarnes hautes comme le toit, un toit haut comme la maison, et des girouettes imitant le sifflement du merle et le miaulement des chats dans la nuit. Au pied d'une terrasse aux balustres noircis par les pluies séculaires, les toitures d'ardoise et les cheminées du village, pressées, cahotées, brinque-ballantes comme les coiffes de paysannes qui dégringolent un chemin creux, s'en allaient tomber dans la Loire. La Loire, splendide dans sa paresse étalée, léchée de longs bonbons de sable rose entre les peupliers disproportionnés de ses deux rives. Portant ici un bateau plat, plus spacieux que la place de l'église, et là-bas un autre semblable, réduit aux dimensions d'un sabot. À droite, au loin, c'est la vie anémable qui arrive de Chinon, à travers les prairies, sous les saules. En face, la vallée d'Anjou, plane et feuillue, que l'été avancé couvre d'or. À gauche, les coteaux qui portent le vin. Quelle journée, quel soir délicat passés à respirer l'odeur des pêches d'espalier d'un verger situé au-dessous de notre terrasse, ou bien à regarder la lune tendre sa blanche lessive sur la Loire. Une saveur paysanne se mêlait par instants à l'arôme des fruits mûrs, et aussi des bribes presque insaisissables de la fumée des fours où l'on cuit le pain. Quand nous montions à nos chambres, nous n'étions pas là de regarder la calme campagne. Un moulin à vent, aux ailes à demi déchirées, énorme insecte nocturne, semblait garder les vignes de M. Caqueton. Nous nommions ce moulin, entre nous, l'hypothèque. Le terme barbare, l'étrangeté de l'objet et l'horreur de la chose signifiée nous rappelaient la situation équivoque de mon vieil ami de Vendôme. Comme un dragon ailé, l'hypothèque se tenait immobile à l'entrée du trésor, mais frémissant au plus léger souffle. Et quand ses longues antennes bougeaient, la lune étant basse, le compas de leur ombre au loin, entre les lignes rigides des échalas, avait l'ouverture d'un pas d'homme. « Brr !» faisait ma femme à côté de moi. « Quoi donc ? Ce pauvre monsieur. Eh bien, l'hypothèque le mangera. » Septembre vint, les raisins mûrirent, on commença à parler des vendanges, des chariots passaient fréquemment sur la route, accompagnés d'une étrange mélopée sur deux ou trois notes graves. Ils transportaient des fûts vides, le village retentit bientôt de coups de maillet sur des caisses sonores, curieux prélude des fêtes de Bacchus. Sous chaque hangar, en chaque cour, un homme cerclé des tonneaux. Enfin, l'air du pays fut imprégné d'odeurs nouvelles, celle des raisins meurtris, douces et sucrées, celle des pressoirs, des celliers humides et moisis, et de l'acidité des cuves bouillonnantes, et de la saveur âpre et traîtresse du vin nouveau. Personne ne vendangeait les vignes de M. Caqueton. On s'en inquiéta, le maire dut faire protéger la récolte. Or, un soir, une ombre fut signalée dans le clos Caqueton. Il était 10 heures environ. La lune était à son déclin, mais les étoiles brillaient. On distinguait une forme humaine qui avançait entre les ceps d'un pas inhabile et marquant du bras droit une sorte de mesure au temps régulier, comme eût fait quelqu'un comptant les pieds de vigne. C'était une femme. La clarté incertaine trompait sa marche et nous la voyions enfoncer tout à coup ou culbuter contre une motte de terre. Elle disparut derrière un groupe de pêchers en plein vent. Nous fûmes très intrigués. Qui était cette femme ? C'était Madame Paco. Je l'appris dès le matin par un mot du notaire, qui me mandait en même temps, en ma qualité de mitoyen, que la vendange Caqueton allait être vendue debout et la terre par autorité de justice. C'est fait, dis-je à ma femme. Vous savez, la grande bête au clair de lune, l'hypothèque. Elle mange le pauvre monsieur. Au soleil du matin, je vis par ma fenêtre Madame Paco dans les vignes. Elle n'était déjà plus très jeune il y a 20 ans. Elle n'avait pas changé beaucoup. À la lorgnette, je la reconnaissais bien. J'allais au-devant d'elle, elle me prit pour le clerc de notaire, et je lui dis « Mais non, je suis le petit Francis, qui jouait autrefois avec Prosper. » Ma rencontre ne lui plaisait point. Je vis l'embarras de sa figure. Tout un drame y fut apparent. La surprise, la crainte d'être berné, l'examen attentif de ma personne, l'envie de se donner le plaisir de me reconnaître, de parler de temps ancien, la curiosité de savoir comment j'étais là, puis le rappel de quelques nécessités supérieures qui lui interdisaient sans doute de parler. Je ne veux point vous gêner, Madame Pacot. J'avais seulement l'intention de vous souhaiter le bonjour et de vous demander des nouvelles de Monsieur Quinqueton. Il va bien, c'est l'essentiel. Je ne vous demande pas de nouvelles de Prosper. Je l'ai vu à Paris. Nous savons ça. Monsieur Prosper nous l'a dit. Ah bien, si je pensais me trouver nez à nez avec Monsieur Francis dans le Saumurois. Elle était émue, Madame Pacot. Ma présence inopinée, mais plus encore, le poids écrasant du silence qu'elle était tenue d'observer, la suffoquait. C'était une bonne femme de 65 ans environ, très ordonnée, à la figure honnête. Elle portait la coiffe de Vendôme et était vêtue avec une extrême propreté. Eh mon Dieu, voilà comment on se retrouve, Madame Pacot. Le monde est si petit. Mais aussi, pourquoi venez-vous si matin à trois enjambées de chez moi? À trois enjambées? Vous habitez donc ici? Fit-elle, sans cacher son effroi. J'habite, Madame Pacot, le grand pigeonnier que vous voyez là. Un parisien? Vous voulez rire, Monsieur Francis? Venez déjeuner avec moi, Madame Pacot. Je vous montrerai mes titres de propriété. Je sentais bien que par là, je la poussais dans ses derniers retranchements. Étant un propriétaire voisin, j'étais destiné à apprendre la vente, et sur l'heure. Il était vain désormais d'essayer de me taire, la détresse de son maître. La fin du drame se joua dans son regard affolé. Puis, la joie de parler noya un moment sa douleur même. Son premier cri fut « Vous ne direz rien, Monsieur Prosper. Je vous le promets, Madame Pacot. Eh bien, c'est démenti tout ce que je vous ai dit. Et oui, et d'abord, Monsieur Quinqueton ne va pas bien. Sa santé? Sa santé, et puis tout. Pour commencer, monsieur a une congestion. Ah, faut être juste, c'est de sa faute. Comment, de sa faute? Si monsieur n'avait pas été si cachotier, le malheur ne serait pas arrivé. Expliquez-vous. Oh, je vois que je vais être obligé de vous en dire davantage. Une fois qu'on a commencé, c'est comme à confesse. Il n'y a pas, il faut fureter dans les coins jusqu'à ce qu'on ait déclaré le plus petit péché. Monsieur Francis, nous avons passé par des histoires. Allez, Monsieur Quinqueton est ruiné. Après ce mot, ses bras, ses traits et l'animation de son regard tombèrent. Elle ressemblait à une femme qui voit descendre le cercueil de son petit dans la fosse. Mais elle reprit. Je m'aperçois que je commence par la fin. C'est parce que c'est le principal et que ma langue ne l'a pas retenu. Je n'ai jamais dit encore à personne. Vous ne le répéterez pas, Monsieur Prosper, au moins. Comment? Prosper ne sait pas? Il ne faut pas que ce Prosper le sache. Monsieur en mourrait. Bah. Savez-vous comment il a eu son attaque, Monsieur Francis? Je vais vous le dire. Ce n'est pas de ce que ses affaires étaient perdues, non. C'est de ce que j'ai découvert le pot rose. Cependant, il me semble qu'il est de toute nécessité que Prosper, qui peut compter sur l'héritage de son père, qui peut l'escompter même. Ne parlez pas de ça, monsieur. Oh, je vois déjà que j'ai eu la langue trop longue. Alors je vais donc être obligé de vous en dire encore plus pour vous empêcher de parler. Soyez convaincu, Madame Pacot, que c'est dans l'intérêt de Prosper uniquement que je me place, intérêt que je crois connaître mieux que personne. Attendu que non, monsieur Francis, non, vous ne le connaissez pas mieux que personne. Il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. Je le parie bien. Vous n'avez pas entendu parler de mariage? Vous voyez, eh bien oui, là, il y a un mariage que ce pauvre monsieur faisait mijoter depuis des années. Faut-il vous dire avec qui? Eh mon Dieu, puisque j'ai tant fait que d'être bavarde. Avez-vous entendu parler de Mademoiselle Potu? Elle n'est pas ce qu'on appelle une beauté, non. Ce n'est pas comme sa sœur qui a épousé un hussard. Mais son père a un château du côté Lavardin. Et il dit comme ça qu'il veut un gendre qui ne soit pas de la nouveauté pour lui. Soit disant que le hussard qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam leur aurait causé des surprises. Ce serait donc cette demoiselle Potu, la cadette, qui serait, comme qui dirait, promise à cette heure à Monsieur Prosper. Prosper ne m'en a pas parlé. Il est discret. L'occasion où je m'en suis aperçu, ça a été pour sa décoration. Il n'en avait pas soufflé mot à âme qui vive, monsieur. Non, pas même à son père. Ça devait pourtant lui faire un tic-tac, hein? Quand on pense que M. Fourreau, le principal du collège qui pétitionne depuis 18 ans pour l'avoir, lui, la décoration, ne la tient pas encore. Faut-il donc qu'il en ait fait dans ce pari, ce cher mignon? On dit qu'il est savant. Combien que ça lui rapporte, jusqu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, ce n'est pas à moi de vous l'apprendre. Mais il faut tenir compte de l'odeur. À présent, pour le reste, une fois marié à Mademoiselle Potu. Une fois marié à Mademoiselle Potu? Voyons, voyons, raisonnons un peu, Madame Pacot. En accordant la main de sa fille à Prosper, Le père de Mademoiselle Potu a peut-être pu faire fond sur la fortune présumée de M. Quinqueton, le juge de paix, que tout le monde à Vendôme connaît comme possédant des propriétés dans le Saumurois. J'entends bien, mais M. Potu, voyez-vous, ça n'est pas ça qui lui fera ni chaud ni froid. Il est riche comme Crésus. Ce n'est pas une raison. Et les jeunes gens, monsieur, que c'est comme deux tourtereaux, vous ne voudriez pas les séparer? Non, rien que d'y penser, je sens mon cœur qui se fond. Soyons logiques, madame Paco. Vous me disiez précisément, il n'y a qu'un instant, que la nouvelle de la fortune de monsieur Quinqueton serait sans influence sur la décision du papa Potu. J'en reviens à mes moutons, le parti le plus sage, et j'ajouterai le seul digne à l'heure présente, et d'avertir Prosper. Vous voulez tuer son père? C'est votre idée bien arrêtée. Monsieur Quinqueton n'a pas voulu dire à son fils qu'il était obligé de s'endetter pour la chose de ces maudits et cépages américains. Demande-lui pourquoi il n'a pas dit à son fils. À son fils? Mais c'était pour lui payer sa pension à Paris qu'il empruntait de l'argent sur ses terres. Il aurait mieux aimé engager les balances de la justice. C'est sa manière de parler que je vous rapporte, plutôt que d'enrayer l'avancement de son fils. L'avancement de son fils? Vous n'êtes pas sans savoir que M. Prosper a, à Paris, une haute situation. C'est un garçon qui ne pouvait pas faire autrement que d'être distingué par ses chefs. Monsieur a été à Paris pendant l'exposition. Son fils l'a reçu chez lui, comme on ne reçoit pas un évêque. C'était les propres paroles de monsieur. Voilà des choses qu'on n'oublie pas. Donc, M. Prosper, ces derniers temps, était en passe d'obtenir quelque chose comme un gros avancement. Ah, dame, dans une corbeille de mariage, c'est encore d'un plus joli coup d'œil qu'une truelle à poisson. Mais voilà, écoutez-moi bien, monsieur Francis, vous qui êtes de Paris, vous me comprendrez certainement. Qui ne donne rien n'a rien, comme dit l'autre. Il paraît donc que, moyennant une dizaine de mille francs, monsieur Prosper passait haut la main par-dessus les épaules aux camarades. Ah, aujourd'hui, à ce qu'il paraît que c'est l'assaut. L'honneur et la victoire à celui qui arrivera le premier. 10 000 francs, c'est que ça ne traîne pas dans les bas de laine, un lingot de ce calibre-là. Enfin, monsieur a dit comme ça, Prosper a été honnête et loyal avec moi, il m'a averti le jour où il s'est trouvé en état de gagner sa vie, et depuis ce temps-là, il ne m'a plus guère demandé qu'une centaine de francs par-ci, par-là. Aujourd'hui, il s'agit de lui donner un coup de main. C'est pour son établissement définitif. Il me rendra le bienfait au centuple, et déjà, il me promet 6% de mon argent. Qui sait que je lui ai fait observer si M. Prosper ne va pas nous sortir de là avec la Légion d'honneur? Ha ha! Est-ce qu'il a fait tambouriner à l'avance pour son ruban violet? Non. Eh bien, vous avez raison, ma fille, m'a dit M. Prosper, m'a dit monsieur, et Prosper aura ses 10 000 francs. Il les a eus, ce cher monsieur. Ah, si j'avais su que c'était où c'était que ce pauvre monsieur les prenait. Dieu de Dieu, est-il bien possible qu'un homme vivant soit fermé comme la tombe? Il les prenait, ces 10 000 francs, sur l'argent qu'il avait de côté pour payer les intérêts à ses prêteurs. Et savez-vous ce que c'était, ces 10 000 francs? C'était le fond de son sac. Oui, monsieur. Et pourquoi en était-il arrivé là? Et pourquoi n'avait-il pas vendu ses biens? Je vais vous le dire. C'était de peur que ça ne fasse jaser à Vendôme avant que M. Prosper soit tout à fait établi. Avant que Prosper soit tout à fait établi. C'est d'un bon père de famille, monsieur Francis. Mais après, lorsque Prosper eut été tout à fait établi, après, mais ce pauvre monsieur comptait que son fils serait en état de lui avancer à son tour. Oh! Monsieur Prosper lui avait affirmé qu'il se ferait dans les 20 000 avant un an au bas mot, et peut-être 50, peut-être 100 000. Ajoutez à ça la dot de Mademoiselle Potu, tout s'arrange et finit bien comme dans les pièces de théâtre. Oh! Ça va donc être à moi, monsieur Francis, de vous faire une petite question. Alors, vous qui connaissez M. Prosper à Paris, c'est-il votre avis qu'il sera bientôt en état d'aider son père? D'aider son père? Voyons, c'est-il vrai qu'il y a à Paris des positions qui rapportent des 100 000? Il y a de tout à Paris, madame Paco. Oui, mais là, selon vous, M. Prosper est-il un homme à s'avancer à ces grades-là? Tout est possible, madame Paco. Oh, je vois bien, allez, que vous n'y croyez point. Sixième partie. Madame Paco faillit tomber du haut du songe que Vendôme se faisait de Prosper. Plus que l'accident de son vieux maître et sa ruine, cette chute de rêve menaçait de la démoraliser. J'emmenai Madame Paco déjeuner à la Gloriette. Nous essayions de la distraire pour qu'au moins elle mangeât. Mon estomac est tordu comme un linge à essorer, monsieur, madame. Vous n'y feriez pas passer un grain de millet à nourrir les oiseaux. Elle était tiraillée par la crainte que mon peu de confiance correspondît à la réalité, et par le désir, plus fort que tout, que ses chimères ne fussent pas blessées. Et dans son fort intérieur, elle me boudait un peu, parce que j'avais molesté ses chimères. Madame Paco, lui dis-je, avertissez Prosper, ça ne se peut pas, alors que M. Quinqueton lui-même l'avertisse. Il aimerait mieux se faire périr, donc que Prosper reste dans l'ignorance. Ça ne se peut pas non plus. S'il faut aider à présent son père, avertissez Prosper. Non. Allez au diable, ma chère Madame Paco. Nous faillîmes nous fâcher. Je crus cependant devoir intervenir. Écoutez, d'un bond elle fut debout. Oh, tout beau, tout beau. Hein. Je n'ai pas trouvé le moyen d'aplanir les difficultés. J'examine simplement ce qu'il est en pour. Non, non, c'est pas ça. Oh, tout beau, tout beau. Je n'ai pas trouvé le moyen d'aplanir les difficultés. J'examine simplement ce qu'il est en mon pouvoir de faire. Et ce que je pourrai, je le ferai. Entendez-moi bien, il est inadmissible que Prosper ne soit pas informé que son père a eu une congestion. Mais monsieur, cela est inadmissible, Madame Paco. Il faut que vous écriviez sur l'heure à Prosper quelque chose comme cela. Monsieur Prosper, votre papa va bien pour le moment. Mais nous avons eu des inquiétudes pour sa santé la semaine passée. Vous devriez bien venir le voir. Mais monsieur, il viendra pour éviter tout désordre. Taisez-vous sur les causes morales qui ont altéré la santé de monsieur Quinqueton. Monsieur Francis, laissez-moi parler. Parlez, madame Paco. Eh bien, il faut que je vous dise pourquoi. C'est que je n'ai pas tout de suite envoyé une dépêche à Prosper. À monsieur Prosper, je n'aurais pas pu tenir ma langue de lui tout raconter. Enfin, vous n'avez pas envoyé la dépêche. Page 67. Monsieur Francis, laissez-moi parler. Parlez, madame Paco. Eh bien, il faut que je vous dise pourquoi c'est que je n'ai pas tout de suite envoyé une dépêche à monsieur Prosper. Je n'aurais pas pu tenir ma langue de tout lui raconter. Enfin, vous n'y avez pas envoyé la dépêche, vous n'avez rien raconté. Sans doute, monsieur Francis, mais quand arrivera... Laissez-moi parler à mon tour. Quand il arrivera, je serai là, ou je serai sur le point d'arriver par le premier train. Vous pourrez bien tenir votre langue une heure. Vous viendrez à Vendôme, monsieur Francis? Vous ferez ça pour nous? Vendôme est sur le chemin de Paris. Nous pensions quitter la campagne ces jours-ci et je serai heureux de revoir M. Quinqueton. Mais ce n'est pas cela. Il est indispensable que quelqu'un ici surveille la vente des vendanges et s'occupe de la vente des terres. Vous ne pouvez, Madame Paco, laisser plus longtemps seul M. Quinqueton. Vous retournerez à Vendôme et direz à votre maître que je m'acquitterai avec soin de ses affaires du Saumurois et que je lui en rendrai compte avec toute la discrétion que l'on ne serait peut-être pas en droit d'attendre d'un homme d'affaires salarié. Ma présence à Vendôme sera d'ailleurs moins suspecte que tout autre. Quant à Prosper, eh bien, nous déciderons avec M. Quinqueton s'il convient ou non de lui parler. Je vais vous embrasser, M. Francis, il le faut. Madame, bien sûr, n'en sera pas moins jalouse. Non, madame, bien sûr, n'en sera point jalouse. Et dire que j'ai failli ne point vous causer ce matin. Ah, mais c'est qu'un peu plus, vous ne m'auriez pas fait desserrer les dents. Septième partie. Une huitaine de jours après, je prenais tristement le train pour Vendôme je n'avais point de fort bonne nouvelle à donner à M. Quinqueton. Les opérations de la vente étaient déplorables. Toutefois, j'avais obtenu de quelques créanciers de surseoir à l'aliénation d'une partie du domaine, ce qui permettrait au propriétaire de s'en défaire plus avantageusement à l'amiable. Mais tout compte fait, approximativement, le prix total ne couvrirait pas les sommes garanties par hypothèque. Ah, s'il pouvait être temps encore de sauver les 10 000 francs confiés à Prosper. Quelle ne fut pas ma surprise sur le quai de la gare de Vendôme d'apercevoir Prosper, tout jovial, l'œil animé, la joue heureuse, et venant au-devant de moi, les deux bras tendus. N'avait-il pas encore vu l'état de son père? Il en ignorait en tout cas la cause. C'est gentil à toi, mon vieux, de venir voir le papa dans son patelin. C'est gentil. Mais tu es aimable, toi aussi, Prosper, d'accourir au-devant de moi à la gare. Tu serais arrivé une heure plus tôt, notre train se croisait. J'ai eu tout juste le temps d'embrasser mon père. Quel coup! Comment va-t-il? Très bien, il est sauvé. D'abord, je lui ai remonté le moral. Ne se faisait-il pas du mauvais sang? C'est que sans doute il avait ses raisons. Tu sais le mystère qu'il me tenait caché. J'arrive du Saumurois, mais toi, Prosper, Madame Paco m'a tout dit. Ah, parfait. J'ai failli le prendre de haut. Non pour la perte des vignobles, mais pour les cachotteries. Mon pauvre bonhomme de paix était tout tremblant. Mon garçon, j'attendais que tu fusses de taille à faire fi de 100 arpents de vigne. Alors j'ai dit, papa, vous avez bien fait. En effet, si tu es de taille, cette bêtise, tu n'as donc pas vu le lancement de l'intégrale? Ah, c'est le fameux journal. Affaire magnifique, mon ami, dépasse toute prévision. Nous pouvons vivre 2 ans sans réaliser un rouge liard de bénéfice. En attendant, nous pénétrons dans le plus petit hameau. Tu as dû voir notre feuille à la campagne. À Vendôme, est tout entre toutes les mains. Je vais avoir l'honneur de te montrer mon portrait sur les murs. Que je te dise, Madame Paco, hier soir, à la Brune, elle a serré une affiche pour apporter triomphalement mon effigie à la maison. C'est la gloire. Pour qui n'exagère pas, c'est l'aisance, ou, si tu préfères, une prospérité honorable. Ah, mon vieux Francis, tu n'as pas eu de nez. Qui ça, moi? Toi, malin, est-ce que je t'ai pas mis à même d'avoir part au magot? La confiance t'a manqué. Tant pis pour toi. Oh, je ne t'en veux pas. D'ailleurs, tu t'es montré avec moi d'une correction dont je te saurais gré. Dis-moi, Prosper, je vais te poser une question peut-être indiscrète. Mais je sais que ton père t'a confié dernièrement une certaine somme. L'as-tu tout entière employée? Parbleu! Aïe, aïe! Qu'en veux-tu faire? En aurais-tu besoin personnellement? Tu peux parler, Francis. Il s'agit des créanciers de ton père. La vente ne couvrira pas. Enfin, on calcule qu'il restera bien 7 à 8 000 francs impayés. Bast, je me mets dans la manche du député de là-bas. Comment s'appelle-t-il? Il n'y a qu'à ouvrir le bottin. Et je fermais la bouche à tous ces piaillards. Le journal, vois-tu, est aujourd'hui la seule puissance. Si mon bonhomme de père était plus ingambe et plus jeune, et si des liens dont j'aurais à te faire part ne nous retenaient à Vendôme, je l'aurais en 15 jours fait nommer ou ému plus. Ta position au journal est solide, ça va sans dire. Je suis assis sur les 10 000 francs de papa. Bonne garniture pour un fauteuil. Et tu l'as fait valoir, j'espère? Écoute, enfant, 2 chroniques de tête par mois, signées Tristan de Mélisande, à 15 louis l'une, c'est déjà de quoi caler les joues d'un être humain, même pubère. À l'office des annonces maintenant, et pour débuter seulement, en 6 mois, on estime que le chiffre d'affaires centuplera. La ration m'est doublée, mais que vois-je? Ne te parames-tu point, alors qu'il ne m'est pas interdit de faire passer au rez-de-chaussée un feuilleton bâclé en 12 nuits ou commandé dans les prisons? Le traitement d'un préfet, de première classe, mais il est vrai, révocable. J'ai un contrat en bonne forme. L'essentiel toutefois, dans nos boîtes, est, je l'avoue, de s'imposer. J'approuve ta prudence. En passant le long d'un grand mur bariolé d'affiches, Prosper me dit « Regarde !» Et de la canne, il m'indiquait un médaillon entre 20 autres ingénues entre 20 autres inégaux et agglomérés, comme les yeux d'un bouillon. Le médaillon de taille moyenne contenait des traits que j'eus du mal à reconnaître, mais une banderole portait le nom de Tristan de Mélisande. Tu vois, dit Prosper, je ne te mens pas. Nous arrivâmes à la maison du juge de paix. Madame Paco vint nous ouvrir. Elle semblait fort tranquillisée. Elle regardait Prosper comme au temps où elle admirait son intrépidité. Par contre, il me parut qu'elle ne m'envisageait pas d'un bon œil. Était-ce qu'elle avait honte d'avoir pu tenir sa langue ? Eh bien, Madame Paco, comment ça va-t-il ? Mais tout va très bien, me dit-elle. Le ton n'en disait plus que n'eusse fait de nombreuses paroles. Elle me reprochait de ne lui avoir point embelli la situation lors de son voyage dans le Saumurois, tandis que Prosper, en moins d'une heure, avait retourné les visages comme un gant et vaporisé dans la maison l'optimisme et l'espérance. On me conduisit à M. Quinqueton, qui était assis dans un fauteuil, un peu hébété par les crises récentes, et comparable, si j'ose dire, après extraction de mon secret, à une récente accouchée. Mais sa molle joue et sa paupière pudique, froissée par le coup brutal, étaient réanimées en dessous par un nouvel élixir. J'avais dessein de l'entretenir des opérations effectuées, en partie par mes soins, dans le Saumurois. Mais, en vérité, il semblait assez peu curieux de les connaître, en présumant le résultat mauvais, tandis que, décidément, la journée était à la détente et presque à la joie. Je me fis l'effet d'un trouble fête et me demandai un moment pourquoi et comment j'étais là. Boudé par Madame Paco, qui m'avait fait venir, porteur de faits précis, qui jamais agréèrent M. Quinqueton, et continuant à jouer vis-à-vis de Prosper le rôle ingrat de confident sceptique, quel parti meilleur me restait-il à adopter que celui de prendre le premier train? J'avisai M. Quinqueton que, rassuré sur sa santé, je ne comptais faire à Vendôme qu'un court séjour. M. Quinqueton et Prosper eurent un même sourire, ce sourire de complicité heureuse des enfants qui cachent un petit cadeau sous la surveillance de leurs parents le jour de leur fête. Et ils dodelinèrent de la tête. « Non, non, ça ne va pas comme cela. » M. Quinqueton m'attira à lui. « Vous ne vous en irez pas avant que nous vous ayons fait faire la connaissance de quelqu'un. » Et Prosper eut un large rire. « Ah ah, fille, il y a du mystère. » Je dus me frotter les mains, simulant la gaieté de celui à qui l'on en annonce une bien bonne. « Mon cher monsieur, me dit le juge de paix, on prétend qu'il n'y a point de bonheur qui n'ait son revers. Mais il est peut-être juste de soutenir aussi que nos misères reçoivent parfois une certaine compensation. » Pour ma part, j'ai été secoué ces derniers temps, comme on ne secoue pas un vieux prunier. La comparaison n'est pas mauvaise. Il ne reste pas un seul fruit à l'arbre, si ce n'est que moi, mon Dieu, à mon âge, on n'a ni coquetterie ni grand appétit. Mais mon dénuement n'est pas flatteur pour mon fils, qui, je puis vous le confier, caressait un joli projet de mariage. Je m'inclinai. Misère de Dieu, continua M. Quinqueton. J'ai eu la bouche à verre quand il m'a fallu avouer au père de la jeune fille que mes propriétés du Saumurois ne pèseraient pas sur mes dispositions testamentaires. Le poids d'un de mes cheveux blancs. Entre nous, on peut confesser sa faiblesse. J'aurais eu moins de dépit à voir vendre devant ma porte ma paillasse et mon bois de lit. On connaissait bien là le monsieur Quinqueton, farot, qui n'avait pas remis le pied dans le Saumurois du jour où il eût été exposé à rencontrer un créancier. Notez, dit-il, qu'aucune parole n'avait encore été prononcée qui pût engager les deux familles. Chacun a sa fierté. Oh, c'est qu'il s'agit d'un contrat qui fera date dans l'étude du notaire. L'avenir glorieux de Prosper, voilà le coup de fouet que j'attendais pour oser la demande officielle. Eh bien, mon cher monsieur, vous ne croirez pas que c'est ma fausse position, précisément, qui nous a fait tomber la poire dans la main. Vous me direz que c'est donc qu'elle était mûre. Ah, mais c'est qu'elle aurait été... Ah, mais c'est qu'elle aurait aussi bien pu blêtir sur la branche. Sacré dié, mon cher Coquinqueton, m'a dit le père de la jeune fille. M'a dit le père de la jeune fille, faut-il vous le nommer? Non, je préfère vous laisser la surprise de le voir entrer ici, car nous l'attendons. C'est un homme carré en affaires, et qui ne va pas par quatre chemins. Mon cher Caqueton, m'a dit monsieur, ah, le bout de la langue me démange, voici 5 ans et 3 mois, pas plus, pas moins, que je sais l'état de votre fortune, et que vous vous endettez pour subvenir aux besoins de votre garnement de fils. Et il le savait, monsieur. Je n'attendais que votre confidence, m'a dit monsieur, mettons monsieur X, pour vous parler à cœur ouvert. Non, je n'attendais que votre confidence, m'a dit monsieur, mettons monsieur X, pour vous parler à cœur ouvert. Comment ai-je appris vos petites misères? Par ma police, donc. Et pourquoi est-ce que j'ai lancé ma police à vos trousses? Tiens, à cause de l'intérêt que je vous porte, par sacré lié. Tiens, à cause de l'intérêt que je vous porte, sacré lié, et à cause d'un certain sentiment qui unit nos enfants. Oh oh, lui ai-je fait, c'est donc vrai? Peux-tu, vous y pensez donc? Tant pis, le nom m'a échappé. Si j'y pense, et vous, vieux gredin? Oh, moi, mes vignobles, je donne 500 000 francs à ma fille. C'est-il assez pour 2 personnes? Bonté du ciel! Ne me remerciez pas, me dit Potu. Ma fille n'est pas taillée pour épouser un marquis. Attrape ça, Prosper. D'ailleurs, dit-il, je suis moi-même plus autoritaire qu'un sultan, et je veux me payer un gendre qui me tienne dans le creux de la main. Pour cela, dit Prosper, il y aura lieu de prendre un peu exactement mes mesures. Qu'est-ce que vous dites de tout cela? Me demanda M. Caqueton. Je ne disais rien de tout cela. Oh, fit Prosper, si vous croyez, papa, que Francis va s'emballer, M. Caqueton reprit. Que peux-tu vienne pour la première fois faire allusion à un mariage entre nos enfants, le jour où je lui annonce mon infortune? Ça, c'est le fait d'un gentilhomme. Mais que ceci se produise dans la semaine même où Prosper nous arrive de Paris, avec une situation qui lui permet de demander pour la première fois, et le front haut, la main d'une héritière, voilà ce que j'appelle une rencontre providentielle. Madame Paco ouvrit la porte précipitamment et nous lança. Voilà Monsieur Potu. Elle avait la figure épanouie, arrondie en galette. Elle avait du nom de Monsieur Potu plein la bouche. Monsieur Caqueton et son fils firent tous les deux, de la main, ce geste qui semble ouvrir de l'espace devant un personnage important. D'instinct, je les imitais. À nous trois, nous étions la foule qui s'écarte devant les pas d'un potentat. La physionomie de Monsieur Potu contrastait singulièrement avec celle que venait de m'évoquer le juge de paix. Ou du moins, si elle était d'un homme, à n'en pas douter, car rien à faire, c'était un de ces angles tranchants qu'il poussait brutalement dans le bel espace élargi devant lui par nos bras accueillants, par le retrait de nos corps, par nos bouches en cœur. Bonjour, Potu. Bonjour, monsieur Potu. Bonjour. À sa façon de dire bonjour, on connaissait que cet homme avait des chiens qu'il montait à cheval et qu'il aimait le matin faire le tour de ses communes, de ses communs. La cravache à la main, en se fouettant les mollets, je jugeai décent de me retirer. On me présenta. Il ne me reconnut pas. « Charmé, monsieur, dit-il, vous n'êtes pas de trop. Je regrette de ne pouvoir dire sur la place publique ce que j'ai à dire. » Il n'accepta point le siège. Il se promena pesamment dans la pièce. Il avait le menton rasé, le teint d'un fruit superbe qui garde sous la peau des rayons de soleil, les moustaches jaunies du fumeur, des favoris d'un blanc immaculé, un ventre bedonnant sur des jarrets d'acier. Il se tourna soudain vers Prosper et lui dit « Mais vous êtes fou, mon garçon !» Les caquetons s'affaissèrent. Une demi-minute s'écoula. « Monsieur Potu dit, sacré lié. Puis, on sentit qu'il allait parler, mais il préférait encore recourir à son juron, qu'il répéta avec des intonations énergiques, signifiant sa colère et le gré qu'il avait, et le regret qu'il avait de ce qui est arrivé. Sacré dieu, c'était le mot qui ouvrait l'écluse. Le flot s'épancha. Monsieur Potu croisa les bras et s'adressa à Prosper. Alors, vous êtes sérieusement journaliste ? Prosper tomba des nues, se releva, eut une étincelle de révolte, voulut parler, on le coupa. Et vous étalez votre photographie sur les murs, comme un barnum, un cabotin, une chanteuse de bœuf blanc. Et vous croyez que ça nous amuse et que ça nous honore, hein ? Et vous venez nous coller ça en face de ma grille, de façon que je ne puisse ni entrer ni sortir de chez moi sans me heurter à ces 20 faces patibulaires dont le tiers pour le moins a passé devant le jury sous l'inculpation d'attentat aux mœurs. Et vous allez nous servir tous les 15 jours une tartine comme celle que j'ai lue avant-hier dans un journal qu'un aboyeur m'a mis de force dans la main, où vous refaites le plan de l'Europe et celui de la société, où vous traitez de Dieu, du pape, de l'enfant, de la femme, du capital et du salariat, avec l'assurance d'un pilier de taverne et l'ignorance de mon garçon d'écurie. Et vous êtes payé pour ça ? Mais monsieur, fit Prosper, vous voudriez bien me le faire croire. Je le prouverais. Taisez-vous, vous vous perdez corps et bien. Est-ce que vous me prenez pour un jobard ? Est-ce que vous vous imaginez que j'ai doublé la fortune de mon père en donnant dans les panneaux ? Est-ce que vous croyez que je m'appelle Potu pour le plaisir de me laisser tirer en bouteille ? Est-ce que vous croyez que je m'intéresse à vous dans l'espoir de vous voir réussir dans le journalisme ? Ah, la bonne farce ! Oh, oh, oh, si vous aviez su vous en rendre compte, capable. Vous ne pouvez pas réussir dans le journalisme, parce que là comme ailleurs, et quoi qu'on dise, une certaine capacité est nécessaire. Qu'avez-vous fait pour vous préserver ? Qu'avez-vous fait pour vous préparer à parler au public, à le diriger, à l'instruire ? N'essayez pas de me donner le change. Vous n'avez rien fait ? Rien ? Mais mon fiston, un maître d'école en sait plus que vous. Et il ne fait la classe qu'à des marmots. Vous n'avez pas ouvert un livre, vous n'avez pas cherché à fréquenter des hommes de valeur, vous n'avez pas tenté un effort pour réfléchir. Taisez-vous, je vous connais. Peut-être. Je vous connais, peut-être. Vous êtes un âne batté, un âne. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez attendu qu'il se trouve quelque part une place vacante ? Qu'est-ce que je dis ? Vous l'avez acheté, cette place, à beau denier comptant, les derniers de votre malheureux père. Vous l'avez payé le prix d'une charge de greffier de la justice de paix. Voilà de quoi vous enorgueillir. Voilà de quoi vous faites part aux 36 000 communes de France en affichant vos traits sur nos murailles. Sabre de bois. Autrefois, on publiait le nom des hommes célèbres. Aujourd'hui, on se rend célèbre en publiant son portrait. Sacré dieu. Le pauvre M. Quinqueton, sous les coups inopinés du tonnerre, tantôt tendait le dos ou bien était redressé par une dernière goutte de sève orgueilleuse. Ni lui ni son fils ne pouvaient parler dans les trop courts intervalles des éclats de la foudre. Prosper était écorché dans sa vanité, écartelé par l'envie de sauter à la gorge de M. Potu et par le désir, ancien comme une habitude, d'être un jour uni à Madame Potu, à Mademoiselle Potu. Imbécile, reprit M. Potu, vous ne pouviez pas continuer à ronger vos feuilles de choux sans faire de bruit. Mais votre situation était excellente, mon garçon. On vous passait la littérature. D'abord, personne ne sait ce que c'est. Et ça vous donne du luisant près des dames. Enfin, ça n'est pas compromettant. Mais mangez, monsieur, parvint à faire entendre Prosper. Vous ne mangez donc pas ? Ah ah, mon pauvre Quinqueton, ce n'est pas moi qui le lui fait dire. Il ne mangeait pas. Et c'est pour lui permettre pendant 10 ans de ne pas manger que vous avez mis au clou vos propriétés du Saumurois. Aidez donc vos enfants. Mieux vaudrait, mon brave ami, leur couper les vivres à 15 ans. Voilà un dadais qui ne figeait rien parce qu'il comptait sur son père. Voilà un bonhomme qui se ruinait en escomptant l'avenir de son fils. Sacré dieu des sacrés dieux. Potu soupira le juge de paix. Ratatiné dans son fauteuil. Ne croyez pas, mais il y a beau temps que je sais tout cela. Oh, ce n'est pas à moi, Potu, que l'on fera prendre des vessies pour des lanternes, puisque je vous dis que la situation était excellente. Eh, pardieu, j'étais là, j'avais tout prévu. Ça me faisait plaisir à moi de voir se réaliser mes pronostics. Je vous regardais vous enfoncer en buvant de l'eau. Je guettais le moment où vous toucheriez la vase. Alors, un coup de filet, hop, ma fille était de connivence. À nous deux, nous opérions le sauvetage. Bonne action. J'ai de la fortune et j'aime à en user, sacristie. Que tout allait bien. Nous avions quasiment pris date. Pan, qu'est-ce qui arrive? Ce cornichon-là, qui avait avant sombré, s'avise de nous jeter pour 10 000 francs de poudre aux yeux. Ah, mais ce que je n'y vois plus goutte. Tirez-vous de là-dedans, mon bonhomme, comme vous pourrez. Je me jette bien à la nage pour pêcher un malandrin qui est en train de se noyer discrètement, proprement. Mais je ne sors pas de chez moi pour voir un acrobate qui pique une tête de la hauteur du clocher. Au beau milieu de la rivière, au roulement du tambour, devant les populations assemblées. Je ne vous demande pas la charité, dit Prosper. Ni mon père ni moi, nous vous avons tendu la main. Morveux, je vous empoigne par la peau du dos comme un chien de 5 jours, aveugle, qu'on a flanqué dans le canal, et vous criez. La plaisanterie n'est pas de mise. Vous prétendez m'exécuter aux yeux de mon père, et chez nous, c'est une violation de domicile, un assassinat moral. À quinzaine la chronique, Tristan de Mélisande. J'appartiens à la presse, au public, je ne souffrirai pas. Voici la vanité qui remontait à l'épiderme de Prosper. Je jugeais que pour plastronner devant moi, il était fort capable de compromettre son avenir et celui de son père. Soustrait au regard de la galerie, un homme a plus le souci de sa conservation. Je me retirai dans la cuisine où je trouvais Madame Paco qui m'accueillit d'une manière maussade. « C'est de votre faute aussi, me dit-elle. S'il vous plaît. Vous voyez tout en noir. Je m'en suis bien aperçu dans ce miroir. Un coup que je vous ai vu entrer ici, je me suis dit, tout va se gâter. Oserais-je rappeler à votre bonne mémoire, Madame Paco, les raisons qui décidèrent mon voyage à Vendôme et qui ne sont pas de pur agrément? Je n'ai pas la malhonnêteté de vous reprocher d'être venu à Vendôme. Mais n'empêche qu'avant que vous ayez été vous installer là-bas, tout ras les propriétés de monsieur, on a vécu ici tranquille comme Baptiste. Eh, grand Dieu, insinueriez-vous, Madame Paco, que j'ai le mauvais œil? Il y en a qui l'ont sans qu'on s'en doute. J'allais prendre l'air dans le petit jardin. Presque rien n'y était changé. Le cours d'eau qu'avaient porté nos bateaux sortait de sa voûte obscure en brisant contre le grillage des brindilles de paille. Le poirier avait disparu, mais le banc de bois était là. Je m'y assis et regardais l'eau. Quel miroir pour 30 ans écoulés. Seringapatam. J'entends encore Prosper époumoner, piétinant, transpirant et hurlant de ce nom sonore, tandis que Madame Paco vient lui éponger le front, tandis que son père, secrètement ébloui, descend le pas de son cabinet, et tandis que je suis à décharger prosaïquement mes bateaux au bout du jardin. Et M. Quinqueton, et Mme Paco, ne croyaient-ils pas qu'effectivement Prosper revenait du bout du monde? Quant à Prosper lui-même, il n'en doutait pas. Et sa fatigue pour lui égalait l'évidence. Serait-ce donc par hasard une force réelle que cette étrange faculté de produire indéfiniment l'illusion? Ah, cependant, M. Potu regimbait. M. Potu refusait de monter dans les petits bateaux pour Seringapatam. La porte du cabinet de M. Quinqueton fut ouverte et Prosper vint à moi. Je lui dis, « Je prends une part bien amicale, crois-moi, au contre-temps. » Prosper sourit, se contentant de hausser une épaule. « Je t'avais dit à Paris, Prosper, le père Potu m'a l'air d'un bonhomme qui ne s'en laisse pas compter. »« Qui ne s'en laisse pas compter quand en effet on lui rend compte, soit. Mais lorsque la réalité sera là, il faudra bien qu'il la touche. » Après ce qu'il t'a dit, tu espères? Je n'espère pas, je suis certain. Quelle tête tu as, mon beau Francis! J'allais prendre congé de M. Quinqueton. 4 mots de son fils avaient suffi à panser les contusions reçues au cours de l'algarade Potu. M. Quinqueton dirigeait son regard vers le vaste ciel de l'espérance. Barbe chapard et cheveux blonds, il ressemblait étonnamment au portrait du poète inspiré jadis enclos dans le placard aux confitures. Nous devisâmes un petit quart d'heure quant à lui parler de ses affaires du Saumurois, ce pourquoi j'étais venu. La seule pensée, triste et mesquine, m'en parut ridicule, tant elle était en désaccord avec la grandeur des projets que roulaient ici les cervelles. Madame Paco, rassérénée aussi, me souhaita bon voyage en passant, et donna l'œil malin et satisfait. « Vous voyez bien ?» dit-elle. Prosper vint me reconduire à la gare. Au bas de mon compartiment, la main engoussée, il bredouilla. « Je ne te rembourse pas aujourd'hui, bien entendu, parti de Paris, argent de poche, n'est-ce pas ?»« Ne parlons pas de cela. Et s'il vous prend la fantaisie à ta femme ou à lui, toi, d'avoir des places de théâtre, n'allez pas vous gêner au moins. C'est moi qui serai ton obligé, Prosper. » Depuis lors, je n'ai plus cherché à revoir les Quinquetons. Que sais-je pu apprendre sur eux de nouveau ?